Imaginez un homme qui aime tellement les médecins qu'il souhaite que sa fille en choisisse un pour époux. Imaginez un homme qui préférerait s'inventer des maladies imaginaires pour être toujours entouré par le corps médical plutôt que de jouir de sa bonne santé et ainsi prendre le risque d'être seul. Cet homme existe puisqu'il a été inventé par Molière en 1672. Le vrai mourant interpréta sur scène un malade imaginaire ou un malade de l'imagination. C'est ce que va nous dire Patrick Dandré, professeur émérite à la Sorbonne, à qui l'on doit un ouvrage entier sur le cas Argan, du nom du personnage principal de cette pièce, le malade imaginaire. Le premier acte s'ouvre sur un monologue inouï, dans lequel le personnage principal, Argan donc, est seul dans sa chambre, assis, une table devant lui, et compte des parties d'apothicaire avec des jetons. Il fait, parlant à lui-même, les dialogues suivants. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 3 et 2 font 5. Plus du 24e, un petit clistère insinuatif, préparatif et rémoliant, pour amollir, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. Ce qui me plaît de monsieur Florent, mon apothicaire, c'est que ses parties sont toujours fort civiles. Les entrailles de monsieur. 30 sols. Oui. Mais monsieur Florent, ce n'est pas tout que d'être civil. Il faut être aussi raisonnable et ne pas écorcher les malades. 30 sols, un lavement, je suis votre serviteur. Je vous l'ai déjà dit. Vous ne me les avez mis dans les autres parties qu'à 20 sols. Et 20 sols en langage d'apothicaire, c'est-à-dire 10 sols, les voilà 10 sols. Plus du 10 jours, un bon clistère détersif composé avec catholicon, double, rhubarbe, miel rosa et autres suivant l'ordonnance, pour balayer, laver et nettoyer le bas-ventre de monsieur, 30 sols, avec votre permission, 10 sols. Plus du 10 jours, le soir, un julep hépatique, soporatif et somnifère, composé pour faire dormir monsieur, 35 sols, mais je ne me plains pas de celui-ci car il me fit bien dormir, 10, 15, 16 et 17 sols, 6 deniers. Plus une potion cordiale et préservatrice, composée avec 12 grains de bézoard. Sirop de limon et grenade et autres suivant l'ordonnance. 5 livres. Monsieur Florent, tout doux, s'il vous plaît. Si vous en usez comme cela, on ne voudra plus être malade. Contentez-vous de 4 francs. 20 et 40 sols. 3 et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. 63 livres, 4 sols, 6 deniers. C'est bien donc que de ce mois, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 médecines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 lavements. Et l'autre mois, il y avait 12 médecines et 20 lavements. Je ne m'étonne pas si je ne me le porte pas si bien ce mois-ci que l'autre. Bon, je lirai à M. Purgon, afin qu'il mette ordre à tout cela. Allons. Oh. Qu'on m'ôte tout ceci. Oh. Il n'y a personne. Oh, j'ai beau dire, on me laisse toujours seul. Il n'y a pas moyen de les arrêter ici. Ah. Bah, ils n'entendent point et ma sonnette ne fait pas assez de bruit. Drôline ! Drôline, drôline ! Est-il possible qu'on laisse comme cela un pauvre malade tout seul ? Drôline ! Drôline, drôline ! Bonjour Patrick Dandré. Bonjour Adèle Vendrette. Quel plaisir de vous parler ce matin. Quel plaisir d'entendre le petit clistère rémoliant, insinuatif et préparatif. Tout de même, c'est tellement beau. Rassurez-moi, j'espère que le confinement vous donne le loisir de vous adonner à d'autres activités que celle d'Argan, ou vous aussi vous êtes en train de faire vos comptes d'apothicaire? On ne se lasse pas d'entendre ces comptes, et Dieu sait que je n'ai pas l'esprit mathématique, mais tout de même, quelle ouverture. Quel miracle que cet immense monologue. Et vous imaginez le bonheur pour un acteur, ça donne envie d'être comédien. C'est une entrée en matière éblouissante. Vous savez qu'à l'époque, c'est assez paradoxal d'introduire une comédie par un très long monologue. Ça ne se faisait plus, les monologues d'exposition. Mais ici, c'est plus qu'une exposition. Ce qui nous est présenté, c'est en quelque sorte la maladie imaginaire. C'est-à-dire la contradiction qu'il y a dans le fait que c'est une maladie et ce n'en est pas une. C'est pour ça que c'est réjouissant et que c'est une comédie. Et malgré tout, et vous voyez que ça a quelque rapport avec ce que vous me disiez de notre confinement, il y a bien des traits observés par Molière qui prêtent à une description de la maladie. D'abord, c'est un monologue, donc c'est un soliloque. Et comme c'est un soliloque, ça dit une chose très profonde, très triste aussi, c'est qu'un malade est toujours seul. Il s'en plaint d'ailleurs à la fin. Un malade est toujours seul parce que, même entouré, il aura toujours le sentiment que personne ne comprend son mal. C'est une chose que l'on ne peut que régir avec soi-même. On est toujours malade dans le tête-à-tête avec son propre mal. Il est entouré, mais il est seul, parce que plus on l'entoure et plus il sent que personne ne comprend ce qu'il éprouve. Bien sûr, c'est une maladie imaginaire, alors ça n'est pas aussi triste qu'il y paraît, et sa colère de la fin nous montre qu'il est assez costaud. Mais malgré tout, cette solitude, c'est une chose très profonde que nous dit Molière. Et ce n'est pas la seule, car dans ce soliloque, je vois que vous réagissez, Adèle, et vous trouvez que j'exagère en parlant de soliloque, car il dialogue, comme vous l'avez fort mais bien vous dit. Ne me voyez pas, cher Patrick, vous me connaissez bien, mais pas à ce point. Ah, mais vous avez raison, je m'en étonne. Je sens la chose. Je sens que vous tiquez, puisque vous avez dit vous-même qu'il dialogue avec lui-même, ou plutôt, il dialogue avec son mal. Et cela, c'est très vrai aussi, c'est une chose très vraie. Un malade, il a pour principale préoccupation et finalement pour principal interlocuteur sa maladie. Alors, en l'occurrence, comme la maladie est imaginaire, l'interlocuteur, ce sont les médicaments, ou plutôt, ce sont les médecins. Mais enfin, c'est la même chose. Et ce dialogue avec les médecins est également très révélateur. Ça me rappelle ce mot d'humour noir, j'ose à peine le dire, de Pierre Desproges, dont on sait qu'il était atteint d'un cancer, et qui posait la devinette suivante, vous vous rappelez peut-être, métastase, chimiothérapie, Schwarzenberg, espoir, chercher l'intrus. Alors évidemment, la réponse était espoir, mais c'est pas ça la vraie réponse. La vraie réponse, c'est métastase. Pourquoi? Parce que la chimiothérapie, le professeur Schwarzenberg, ils sont du côté de l'espoir. Alors regardez comme naturellement, nous considérons les hôpitaux, qui sont des maladies où nous allons guérir, comme des lieux où nous sommes malades. Nous considérons les médecins comme les prolongements de nos maladies. Et c'est quand nous quittons l'hôpital que nous sommes guéris. Donc dans l'imaginaire, nous assimilons le médecin et le médicament à la maladie. Ce qui évidemment nous amène à une interrogation éberluée sur le rapport au corps que suppose le mal. Et là, c'est une question. Vous voulez dire qu'on pourrait les associer, oui, les hôpitaux et les médecins, à l'espoir plus qu'à la maladie, c'est on ça devrait. À l'espoir d'en guérir. On devrait. Ouais. Et en réalité, dans la conception imaginaire que nous nous faisons, ils sont assimilés au mal, car nous ne les fréquentons que lorsque nous allons mal. C'est le cas d'Argan qui trouve dans ses médications, je dirais, la concrétisation du mal qu'il n'a pas. Faute d'avoir des symptômes de son mal, il a au moins les symptômes de ses médicaments. Et cela nous amène à une interrogation philosophique sur le rapport avec le corps. Vous savez que le corps se conjugue avec le verbe être ou le verbe avoir. On peut dire « j'ai un corps » ou on peut dire « je suis un corps ». Alors si vous dites « j'ai un corps », bah, vous estimez que vous êtes double. Il y a votre esprit et puis il y a votre corps. Et votre corps, c'est de la matière. C'est une conception que l'on pourrait dire, vu l'époque que vous avez rappelée, cartésienne. C'est-à-dire que Descartes prouve l'existence de la pensée, du « moi » par la pensée, avant de prouver l'étendue à quoi appartient le corps. Nous sommes ici dans un rapport d'avoir, dans une philosophie dualiste. Ou bien vous pouvez estimer, c'est plutôt l'avis de la médecine contemporaine, que notre pensée, ce sont des neurones, des synapses, en fait toutes ces choses très compliquées qui sont dans la boîte cérébrale, et que donc nous sommes notre corps, et que quand le corps meurt, la pensée aussi. Nous sommes donc entre les deux. Et les deux options, elles sont particulièrement... je dirais dans l'ordre de l'actualité aujourd'hui, où la question du virus se pose. Qu'est-ce qu'un virus? Est-ce que c'est quelque chose d'étranger que j'héberge dans une sorte de sac comme celui que Argan emplit de médication qui est mon corps. Et puis moi, je suis très en colère de ce corps étranger qui est dans mon corps, qui lui-même n'est qu'une propriété de mon esprit. Auquel cas, vais-je penser la même chose des aliments qui me nourrissent ? Quand je me nourris et que je fais avec mes aliments une partie de mon sang, j'estime que c'est mon sang. Mais quand c'est du virus, ce n'est plus moi. Même chose pour un cancer. Vous avez remarqué que les gens ne disent pas « je suis cancéreux », ils disent « j'ai un cancer ». Comme si c'était quelque chose de l'ordre de la propriété qui modifiait vos cellules. Pourtant, vos cellules, qu'est-ce d'autre que vous-même ? Il y a là, je dirais, une sorte d'ambiguïté sur le rapport que nous entretenons avec ce nous-mêmes qui est notre corps. Est-ce que le corps est autre chose que moi ou est-ce que c'est une forme de moi avec laquelle j'ai une relation ? D'ailleurs, la question est posée dès le départ dans cette exposition, cette ouverture de la pièce magistrale qu'on a entendue. Je précise que c'était un extrait du Malade imaginaire enregistré avec la Comédie française pour la radio en 1974. Et c'était Jacques Charon qui interprète Argan. On l'a reconnu. Vous l'avez reconnu, oui. C'est pas forcément le cas de tout le monde, oui. Cher Patrick Dandré. Si, mais si, voyons. Bon, ne jamais présupposer quoi que ce soit. Moi-même, je ne le connais pas très bien, vous savez. Mais notons quand même que dans ce qu'on a entendu, Argan semble se fondre dans les objets qui l'entourent. Il semble ne pas faire de distinction entre les médicaments et lui-même, ni même avec cette cloche à la fin, ce drelin, dreline, dreline. Il reprend lui-même le son de la cloche. Je ne sais pas si cette figure de style a un nom, le fait d'employer par le langage le son émis par un objet, mais c'est dire combien il a du mal à se distinguer de ce qui l'entoure. Ah ben, c'est caractéristique de l'objectivation du corps à quoi aboutit tout traitement médical. Et c'est également une des horreurs, mais aussi une des vérités que nous révèlent, par exemple, les pandémies. Qu'est-ce que le corps d'un malade mis en coma artificiel et que l'on alimente par de l'oxygène ? Quelle est la part du soi qui existe dans un tel état ? Vous voyez, les pandémies, ce que nous vivons en ce moment, nous interrogent justement sur cette objectivation du corps. Vous savez qu'à un certain moment de la pièce, M. Purgon dit « il ne me fallait que 3 jours pour... » Le médecin ? Oui, le médecin d'Argan dit « il ne me fallait que 3 jours pour vider le fond du sac ». Alors, bon, je sais que le sac, c'est le nom que l'on donne à une partie de l'intestin. Mais enfin, en l'occurrence, je pense que la métaphore, elle dit bien ce qu'elle dit. Pour le médecin, le malade, le patient, c'est d'abord un sac dans lequel on met des médicaments dont on expurge de mauvaises humeurs. Bref, il y a là encore un effet qui est un effet d'imaginaire. C'est l'objectivation du corps par les traitements. Et donc je vois dans ce monologue l'état, plutôt la situation où la comédie nous place par rapport à la réalité, par rapport à la maladie. C'est l'imaginaire de la maladie, ce n'est pas la réalité que la comédie va mettre en évidence. Ce sont tous ces traits d'imaginaire qui existent en ce moment, qui existent par exemple autour du confinement. Il y a une objectivité du confinement. Je sors, je sors pas, je fais un papier, bon ça c'est de l'administratif. Mais il y a aussi tout ce que je rêve à partir de cela. Et je dirais que le rôle de la poésie, le rôle de la littérature, c'est de nous faire entrer dans ces égarements, ces erreurs, qui sont nos vérités intérieures et qui sont l'image que je me fais de moi-même, c'est-à-dire la maladie imaginaire, ou plutôt, alors en l'occurrence, l'imaginaire de la maladie. Alors il faut prendre le terme d'imaginaire au pied de la lettre et se demander si Argan, qu'on qualifierait volontiers aujourd'hui d'hypochondriaque, s'il a peur d'être malade ou s'il veut être malade. C'est-à-dire, est-ce qu'il se croit malade et donc a besoin des médicaments ou des médecins pour essayer de guérir, ou est-ce qu'il s'invente malade pour faire venir le médecin ? C'est pas la même chose. C'est un cercle vicieux. Et ce qu'il y a de magnifique dans les cercles vicieux, c'est comme l'œuf et la poule, si vous voulez, c'est qu'on ne peut jamais savoir par quoi ça commence. Est-ce qu'il y a chez lui un désir de médecine qui amène la maladie et suscite la peur, ou est-ce qu'il y a chez lui une peur de la maladie qui a suscité la médecine et donc la conjugue sous la forme du désir. Désir de médecine et peur de la maladie fonctionnent de façon combinée autour d'un phénomène de narcissisme, une sorte de rapport de soi à soi. Argan est enfermé dans le solipsisme de ses passions, car désir et peur, c'est ce qu'on appelait des passions, ce que nous appelons des émotions, et il est enfermé dans le solipsisme de son égarement. C'est-à-dire que cette folie double, nous ne pouvons pas la séparer, c'est l'avers et le revers de son état d'être. Et il y a là presque un effet d'autosuggestion fantasmée qui ne cherche plus de cause et de conséquence parce que les deux sont fondus et que ça tourne. Et le grand problème de tous ceux qui vont essayer de le guérir, c'est de savoir comment prendre ça. Est-ce qu'il faut se confronter à lui? Dans ce cas-là, on va déclencher sa colère. Est-ce qu'il faut tourner autour de lui et le mystifier en essayant de l'atteindre par sa crédulité? Le personnage nous pose aussi le problème du traitement à partir du diagnostic et de l'interprétation du mal. Il n'y a jamais de traitement sans savoir ce qu'est un mal. C'est pour ça que les vaccins sont si longs à venir, parce qu'il faut d'abord savoir ce que sont les virus. Et pour le cas d'Argan, son virus est complètement tendu entre le corps et l'esprit. La maladie imaginaire est la maladie d'imagination. Est-ce son imagination qui est malade ou est-ce qu'il se croit malade par imagination? Et tendu aussi entre ce désir et cette peur, entre la médecine et la maladie. C'est un montage d'une extrême complexité, d'une grande délicatesse, et qui permet de rire tout en s'interrogeant. Et c'est en quoi je m'estime le droit de vous parler du malade imaginaire dans une matinée philosophique, Adèle, parce que le rire pense. Et le rire de Molière nous aide à penser parfois plus loin, j'oserais le dire, que la rationalité des plus grands philosophes. Même si les philosophes aussi savent rire, mais c'est un autre sujet. Je vous propose, pour illustrer vos propos, savoir s'il s'agit d'une maladie imaginaire ou d'une maladie des médecins, d'écouter la scène 5 de l'acte 1, ce dialogue entre Argan et Toinette. Donc Argan, c'est Jacques Charon dans l'interprétation que vous allez entendre, et Toinette, Françoise Seignier. Argan décide, alors il s'est entouré d'hommes de médecine, et il va choisir pour sa fille Angélique un prétendant qui lui-même doit être nommé médecin 3 jours plus tard. Le problème, c'est que sa fille Angélique en aime un autre. Il s'appelle Cléante, Toinette. Et plutôt du côté d'Angélique, elle va essayer de le raisonner, mais sans succès. Alors écoutez les formes que peuvent prendre cette maladie imaginaire, qui est souvent aussi un amour des médecins eux-mêmes. Quoi, monsieur, vous auriez fait ce dessin burlesque? Et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin? Oui! De quoi te mêles-tu, coquine? Impudente que tu es! Et mon Dieu, tout doux, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison est que me voyant infirme et malade comme je suis, je veux me faire un gendre et des alliés médecins, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et d'être à même des consultations et des ordonnances. Oh bien voilà, dire une raison, il y a plaisir à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience, est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine, si je suis malade? Si je suis malade, impudent! Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade, n'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Et plus malade que vous ne pensez... Voilà qui est fait. Mais votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant point malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. Mais enfin, monsieur, voulez-vous qu'en ami, je vous donne un conseil? Quel est-il, ce conseil? C'est de ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. Elle n'y consentira non, pas, ma fille. Votre fille, elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diafrarus, ni de son fils Thomas Diafrarus, ni de tous les Diafrarus du monde. Mais j'en ai affaire, moi. Outre que le parti est plus avantageux qu'on ne pense. Monsieur Diafoirus n'a que ce fils-là pour tout héritier. Et de plus, Monsieur Purgon, qui n'a ni femme ni enfant, lui donne tout son bien en faveur de ce mariage. Et Monsieur Purgon est un homme qui a 8000 bonnes livres de rente. Il faut qu'il ait tué bien des gens pour s'être fait si riche. 8000 livres de rente sont quelque chose, sans compter le bien du père. Enfin, monsieur, tout cela est bel et bon, mais j'en reviens toujours là. Je vous conseille, entre nous, de lui choisir un autre mari. Elle n'est pas faite pour être Madame Diafoirus. Et je veux, moi, que cela soit. Et fille, ne dites pas cela. Comment que je ne dise pas cela? Et non. Et pourquoi ne le dirais-je pas? On dira que vous ne songez pas à ce que vous dites. On dira ce qu'on voudra, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Non, je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Je lui forcerai bien. Elle ne le fera pas, vous dis-je. Elle le fera. Ou je la mettrai dans un couvent. Vous? Moi. Bon. Comment bon? Vous ne la mettrez point dans un couvent? Je ne la mettrai point dans un couvent? Non. Non? Non. Ouais, voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je veux. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez? Je ne me moque pas. La tendresse paternelle vous prendra. Elle ne me prendra point. Les larmes aux yeux, des bras jetés au cou, à mon petit papa mignon, prononcez tendrement, sera c'est pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oui, oui. Je vous dis que je n'en démordrai point. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon, naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Doucement, monsieur, vous ne songez pas que vous êtes malade. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'en faire rien. Mais où est-ce donc que nous sommes? Et quelle audace est-ce là, une coquine de servante, de parler de la sorte devant son maître? Quand un maître ne songe pas à ce qu'il fait, une servante bien sensée est en droit de leur dresser. Oh, insolente! Il faut que je t'assomme. Il est de mon devoir de m'opposer aux choses qui vous peuvent déshonorer. Allez, viens, viens que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme je dois, ne vous pouvez laisser faire de folie. Chien. Non, je ne consentirai jamais à ce mariage. Ronda. Je ne veux pas qu'elle épouse votre Thomas Diafoiru. Carogne. Et elle m'obéira, plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne veux pas m'arrêter, cette coquine-là. Mais mon père, ne vous faites point malade. Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la déshériterai si elle vous obéit. Oh. Quel personnage, cette Toinette, Patrick Dandré. C'est elle, en fait, qui tire toutes les ficelles de la pièce. C'est le chef d'orchestre du malade imaginaire. Oui, et quel ping-pong. Bah, disons qu'elle, elle est dans une pleine santé mentale. Ça, il n'y a pas de problème. Et surtout jouée par... c'est Françoise Seignet qui Françoise joue. Françoise Seignet, oui, c'est merveilleux, bien sûr. Cela dit, elle est aussi, ne l'oublions jamais, un faire-valoir pour Orgon, ouais. Pour Argan, pardon. Vous savez que ces deux acteurs jouaient un peu en parallèle. Les rôles qu'écrivait Molière étaient depuis l'origine. Ces rôles de colère étaient des rôles de dialogue avec Madeleine Béjart. Et même après la disparition de Madeleine Béjart, il a continué à écrire de cette façon. Ce sont des scènes de ping-pong. Il se renvoie la balle. Vous savez que Madeleine, c'était sa vieille complice, c'est-à-dire celle avec laquelle il avait créé son théâtre à l'origine, l'Illustre Théâtre. Et donc, c'était son double dans le duo. Vous savez, ces partenaires de duettistes qui sont tellement rodés l'un à l'autre que leur rôle entre l'un dans l'autre comme tenant et mortaise. Et ici, Molière fait une scène comme il en fait souvent pour lui-même, une scène de colère. Vous savez que sur les 26 scènes où Argan apparaît, il en a 12 où il pique une crise de colère. 12 sur 26. C'est-à-dire que la colère, c'est un peu son registre, un peu comme Louis de Funès, vous savez, qui n'est jamais si bon que quand il pique une crise de colère. C'est la même chose. Et je dirais que la colère, c'est la troisième passion qu'il faudrait ajouter au désir de médecine et à la peur de la maladie. Leur résultante, c'est la colère. Une colère contre les détracteurs de la médecine. Il s'emporte là de façon véhémente contre cette impiété à l'égard de sa religion. Et puis une colère qui peut être aussi une colère contre les gens qui contestent sa maladie, ce qui est le cas de Toinette ici. Et là, nous sommes dans l'image de soi. Image de soi très forte, parce que dans ce passage, ce qui frappe, c'est le narcissisme d'Argan. Vous savez que Orgon, ma langue fourchait tout à l'heure parce que j'y oui. pensais, lorsqu'il propose sa fille Marianne à Tartuffe, il pense, ou du moins il prétend que c'est pour que de la sorte Marianne fasse son salut. Donc il y a quelque chose tout de même d'une pensée pour Marianne. Ici, pas du tout. Hein. C'est une fille bien née, doit se dévouer entièrement à son père. Et il y a là, je dirais, dans ce narcissisme, une forme de complaisance qui correspond tout à fait à ce que sa maladie imaginaire. Argan s'aime, et il s'aime en tant que malade. Et dès lors, tout doit être soumis à cette maladie. Tout, et notamment ce jeu très compliqué, parce que pour ceux qui veulent le suivre, c'est compliqué, qui est un désir de guérir joint au plaisir d'être malade. Alors c'est assez contradictoire, je parlais déjà de contradiction, mais en voici une de plus. Comment peut-on résoudre le désir de guérir et le plaisir d'être malade? Eh bien, avec par exemple ici ce chantage à la mort d'épuisement. Ce chantage qui fait que la maladie est un mobile et une justification pour son impulsivité. Un chantage à l'aggravation. C'est-à-dire que la maladie justifie la colère, et la colère alimente la maladie, ou du moins la peur de la maladie. Argan est une horlogerie magnifiquement montée, et cela se traduit par de petits effarouchements narcissiques et de grands moments de fureur à l'égard de gens qui, comme le fait ici Toinette, s'amusent à le monter contre lui-même. Il y a là l'exploitation de beaucoup de vieilles images. Vous savez, les passions d'Argan, là je disais, la peur, le désir, la colère, si vous regardez, c'est l'élémentaire de la comédie. C'est la peur c'est la peur du valet, la colère c'est la colère du barbon, le désir c'est le désir des amants, vous mettez les trois, vous avez une comédie. Et la peur, cette peur d'être malade, Molière est allé la quêter aussi dans l'histoire de la pensée, l'histoire de la philosophie la plus ancienne. Déjà, au début du siècle, Charon, qui était un peu le continuateur de Montaigne, disait que d'un mal imaginaire, on peut tirer de vraies douleurs. C'est le cas d'Argan, ou du moins, Il l'espère. Je crois pas qu'il souffre beaucoup. Montaigne aussi disait que, avant d'avoir la pierre dans les reins, vous savez qu'il était atteint de la maladie de la pierre, on l'a en l'âme. Et Sénèque disait que nous mourons la plupart du temps de la peur que nous avons de mourir. Bérald, le frère d'Argan, dans la dernière partie de la pièce, ne dira pas autre chose quand il reprochera à Argan son impatience et lui dira que c'est notre impatience, notre inquiétude qui fait que nous ne guérissons pas et que la plupart des hommes meurent de leurs médicaments plutôt que de leur maladie. C'est une analyse qui est venue à Molière, ce que je veux dire par là, de très loin pensée et qui plonge ses racines dans un substrat de réflexion sur ce que l'esprit est capable de faire au corps. Cicéron, le Cicéron philosophe, avait un mot très beau. Je ne sais pas si à une telle heure du matin on peut parler latin, mais ce mot pour expliquer cette tendance, cette tentation, il l'appelait proclivitas, la proclivité, qui est le penchant, la disponibilité à l'affliction. Se disposer à s'affliger, se disposer à se plaindre, à être geignard. Et il y a dans l'Antiquité un personnage, et à travers lui je vais revenir à Argan, qui nous a laissé un journal de ses problèmes de santé. C'était au second siècle de notre ère, il s'appelait Elius Aristide, et il était visité toutes les nuits par le dieu Asclépios, qui lui indiquait comment sauvegarder sa précieuse santé. Alors le dieu lui indiquait combien de brasses il fallait faire dans sa piscine, combien de pas il fallait faire dans son jardin. Il faisait mesurer cela avec des cordes pour être sûr qu'il avait vraiment fait le nombre de pas qu'il fallait. Vous savez, un peu comme Argan qui va se demander si le nombre de pas qu'on lui a dit de faire, c'était en long ou en large dans une pièce rectangulaire. Oui. Et Elius Aristide, dans une espèce de régression infantile, estime que la mort de sa sœur et celle de son frère de lait sont d'utiles sacrifices que le dieu lui a imposés et qui lui permettent à lui d'être assuré de sa santé. Ah oui, il y a des gens qui marient leur fille à un médecin pour leur santé, mais il y en a même qui estiment que la mort de leur sœur, c'est bienvenu pour ça. C'est la maladie de la maladie, en fait. C'est la névrose dans l'appréhension de la maladie même. Mais juste un point, quand vous distinguez les trois passions, la peur de la maladie, la colère contre ceux qui la contestent, et le désir de la médecine, ou le désir des médecins. Ce troisième point m'intéresse parce qu'à l'époque de Molière, les médecins avaient une réputation détestable. Et dans les pièces de Molière, les médecins sont sans cesse moqués pour leur désir de pouvoir, pour leur fausse science qu'ils essayent d'appliquer aux malades, aux dépens même de leur santé. Comment est-ce qu'on peut désirer des médecins quand on les sait aussi incompétents ? Eh bien, c'est qu'il y a, parmi tous ces gens extrêmement critiques, quelques esprits heureux qui pensent que la médecine est une science exacte. Et c'est le cas d'Argan. Argan pense que la médecine dit vrai, dit toujours vrai. Et je dirais même qu'Argan a un certain nombre des mots qu'a également Orgon pour la religion. Argan a fait de la médecine sa religion, comme tous ces personnages de Molière mus par une idée fixe, happés par une chimère, qu'ils soient personnages à chimère ou à marotte, eh bien, ils sont persuadés de la valeur absolue du savoir, de la valeur absolue de la religion, de la valeur absolue de l'argent, de la valeur absolue, et ainsi de suite, ou de la naissance, de la noblesse. Ce sont des gens qui sont obsédés par une idée fixe. C'était une maladie d'ailleurs que l'on connaissait, on appelait ça la mélancolie hypochondriaque. C'était des gens qui étaient sur une idée fixe et qui repeignaient le monde à la couleur de leur marotte. Rien n'existait plus que cela. C'est du fanatisme. C'est une forme d'idée fixe, si vous voulez, qui induit, bien sûr, une conduite dictatoriale, une conduite fanatique. Alors, c'est un peu variable selon que vous êtes chimérique, comme Monsieur Jourdain, alors là, vous repeignez le monde en rose et vous imaginez que votre fille épouse le fils du Grand-Turc, ou bien que vous êtes un personnage à marotte qui mutile le monde et ne voit plus qu'une chose, par exemple, le savoir, les belles lettres, Philaminte, dans les femmes savantes. Et tout le reste ne compte pas, peu importe que la servante brûle le rôti, pourvu qu'elle ne commette pas de faute de grammaire. Vous voyez, il y a deux conceptions, et ces deux conceptions sont des formes d'engouement extrême qui aboutissent effectivement en religion au fanatisme. Et ici, pour Argan, je dirais en une espèce de culte. Oui. le médecin dit toujours vrai. C'est un culte presque de magicien. Vous voyez, le personnage du médecin est un magicien capable d'incantation. Parfois même, ça peut devenir un horrible sorcier lorsqu'il lui jette l'anathème. Ce sera le cas de Monsieur Purgon. Monsieur Purgon qui va devenir furieux, qui va venir se venger, on va l'entendre dans un instant, parce qu'Argan n'a pas pris ses médicaments. Alors peut-être expliquez-nous pourquoi Argan a failli à son propre traitement, lui qui y tient tant, avant qu'on entende la vengeance du médecin, Monsieur Purgon. Eh bien, son frère l'a un peu distrait par une parole raisonnable. Après tout, on est parfois sensible à la raison, même quand on est aux trois quarts fou. Et Bérald lui a dit... Écoutez, vous vous moquez, est-ce que vous ne sauriez faire un moment sans lavement ou sans médecine, remettez cela une autre fois et demeurez un peu en repos. Et donc Argan s'est laissé prendre par cette prière de son frère, c'est une faute, et Dieu va se venger. Voici donc Dieu, Monsieur Purgon, interprété par François Beaulieu, qui va abandonner son patient à la féculence de ses humeurs. Oh, Monsieur Purgon, Monsieur Purgon, je viens d'apprendre, là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Que j'avais pris plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas moi. Inventé et formé dans toutes les règles de l'art. Il a tort. Et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Le renvoyer avec mépris. C'est lui. C'est une action exorbitante. Oh, cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est cause. Un crime de lèse faculté qui ne se peut assez punir. Oh, vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. C'est mon que frère. Que je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Que... pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. Mais c'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon clister. Faites-le venir, je m'en vais le prendre. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps et en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Oh, mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Il est indigne de vos soins. Puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains. Mais ce n'est pas ma faute. Puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin. Sacrée vengeance. Puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous ordonnais, moi, j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile et à la féculence de vos humeurs. C'est fort bien fait. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Oh, miséricorde. Que vous tombiez dans la bradypepsie. Monsieur Purgon. De la bradypepsie. Dans la dyspepsie. Monsieur Purgon. De la dyspepsie. Dans la pepsie. Monsieur Purgon. De la pepsie. Dans la lianterie. Monsieur Purgon. Dans la lianterie. Dans la dysenterie. Monsieur Purgon. Dans la dysenterie. Dans l'hydropisie. Monsieur Purgon. Et dans l'hydropisie. Dans la privation de la vie. Où vous aura conduit votre folie. Ah, mon Dieu, je suis mort. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et le malade imaginaire de Molière, avec aujourd'hui, pour en parler, Patrick Dandré, professeur émérite à la Sorbonne, à qui l'on doit un livre qui s'appelle « Le cas Argan, Molière et la maladie imaginaire » qu'on trouve aux éditions Klinksic. Alors Patrick Dandré, Le terrible Monsieur Purgon que l'on vient d'entendre et qui invoque un attentat énorme contre la médecine, un attentat de lèse faculté, il se prend pour Dieu. Ah bah. Il se prend pour Dieu, ah il exerce son pouvoir. Vous faisiez le parallèle en début d'émission entre le rapport au corps qu'Argan entretient avec son propre corps dès le début de la pièce et ce que nous vivons aujourd'hui. Le rôle du médecin ici, est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec aujourd'hui ou pas? Il me semble qu'on n'est plus tellement dans ce rapport de force-là avec les médecins, si? Ah, vous savez, un patient, il est quand même toujours un tout petit peu sous la conduite, sinon sous les ordres de son médecin. Alors évidemment, c'est ici un médecin caricatural, mais la peur que nous avons de ces noms de médications ou de ces noms de maladies que nous ne comprenons pas, ça existe toujours. Et nous finissons toujours par nous soumettre aux avis de la faculté. Il y a malgré tout une confiance qui s'établit et qui d'ailleurs n'est pas tout à fait fausse, car le plus surprenant de cette scène, c'est que la liste de ces maladies incroyables qui vont, paraît-il, tomber sur le pauvre Argan, bradypepsie, dyspepsie, apepsie, lyanthrie, dysenterie et hydropisie, sont cohérentes. Ces maladies sont cohérentes et je me suis amusé à essayer de rétablir le diagnostic. Vous aboutissez effectivement à une mélancolie hypochondriaque, c'est-à-dire à la façon dont on pouvait penser en ce temps-là une autosuggestion fantasmée d'un esprit qui s'illusionne de la meilleure foi du monde sur l'état. Alors l'état, nous parlions tout à l'heure des autres fous de la société de Molière, mais c'est pas l'état de la société, c'est pas l'état d'autrui, c'est pas l'état de ses biens, c'est pas l'état de ses actes, c'est l'état de son corps, c'est-à-dire l'état de lui-même, ce qui est le plus extraordinaire peut-être, puisque Argan finalement, face à cette avalanche qui est une colère à peu près analogue à la sienne. Lui a eu colère quand on contredit son illusion de maladie, et Monsieur Purgon est en colère quand on contredit le pouvoir de sa médecine tout aussi illusoire. Ces deux personnages s'allient et s'alliancent. Comment Molière est-il parvenu à créer un personnage aussi moderne pour nous, enfin si proche de nous, et qui nous parle de choses aussi évidentes, en quelque sorte, que la capacité que nous avons de créer des névroses obsessionnelles? Alors là, je parle un langage totalement freudien, c'est totalement anachronique, mais si vous le permettez, je vais vous lire un extrait d'un traité de 1593 écrit par le docteur Cabrol. Alors, ce n'est pas le docteur Cabrol que nous avons connu récemment, c'est Barthélemy Cabrol, qui avait été appelé à consulter auprès de Moïse de Marnas, qui était un docteur en droit, et qui était atteint d'une maladie nommée mélancolie hypochondriaque avec des plus grandes et fausses imaginations du monde, une desquelles est que pour aller à ses affaires, vous comprenez ce que veut dire aller à ses affaires, hein, il faut qu'il mette un rasoir manche et tout dans son fondement, et après il racle, séant, le vire et tourne par plusieurs tours, jusqu'à ce que le sang sorte en grande abondance, et du muscle sphincter et de l'intestin nommé rectum, et ce qui est pis, il fait cette belle opération deux fois le jour, quelquefois trois, sans qu'il y ait moyen que tous ensemble ayons pu le persuader le contraire. Ayant lui fait ce qui est dit en notre présence au grand étonnement de tous, tout cela n'est rien au respect de ce pourquoi il nous assembla, car il demanda instamment de lui appliquer un cautère actuel dans le dit fondement, afin, dit-il, que la perdition de substance demeure, et pour ce faire nous montre le lieu avec le speculum matricis, lequel il met si profond et le dilate tant que nous pouvions aisément voir le plus avant dans le dit intestin, le tout bien fracassé, écorché et ulcéré. Et alors les médecins ont recours à un subterfuge, comme d'ailleurs va avoir recours Toinette, puis va avoir recours Bérald dans le malade imaginaire. On met un cautère bien chaud et rouge, et puis on en cache un autre qui est tiède, on l'enfonce dans le derrière de ce pauvre monsieur, il croit qu'on l'a cautérisé, et à partir de là, il est guéri. Alors voilà. Mais c'est aussi immonde que drôle ce que vous dites, on dirait du sad comique. N'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si c'est un cas qui s'est réellement produit. Il est enregistré dans des observations anatomiques qui sont tout ce qu'il y a de plus sérieux. Mais peut-être est-ce aussi une petite invention. En tout cas, cela nous montre jusqu'où pouvait aller l'autosuggestion des gens d'autrefois à l'égard de leur corps. Et je pense que le cas d'Argan a été construit à partir de ce phénomène, alors, bien sûr, Molière ne croit pas du tout à cette médecine et il prend, je dirais, les étayages sans prendre la façade du bâtiment. Il se contente de l'échafaudage, mais il faut bien un échafaudage pour nommer les choses. Et puis, par-dessus, il met, je dirais, un propos de type moraliste, un propos de type philosophique, une interrogation sur comment l'esprit peut-il s'abuser sur son propre corps? Et vous savez qu'autour de lui, dans la pensée philosophique, il y avait plein d'interrogations de ce type. C'est-à-dire que les gens se demandaient, par exemple, comment une possédée peut présenter dans son corps des manifestations à ce point étranges, si ce n'était pas le diable qui les motivait? Comment les sorciers pouvaient s'imaginer être allés au sabbat, alors que de toute évidence, il n'y était pas allé. La médecine légale, qui commence à naître, s'interroge sur les gens qui font des simulations involontaires de maladie. Les simulations volontaires, on comprend, c'est pour obtenir un congé payé. Mais les simulations involontaires, c'est très bizarre. Ou encore, ces moralistes comme Pierre Nicole qui parlent des pensées imperceptibles qui gisent au fond du cerveau et leurrent sur ses propres intentions. Le sujet qui est dupé ainsi par des pensées qui vont trop vite. Et je dirais que Molière a construit vraisemblablement sa maladie imaginaire à partir de ses réflexions. Et ce qui me frappe le plus, et c'est en quoi je voudrais défendre un peu Monsieur Purgon, si vous le permettez. Je vous en prie. Ce qui me frappe le plus, c'est que 10 ans après Molière, un médecin écossais écrit une lettre en latin. Vous voyez qu'il ne peut y avoir aucune liaison entre Molière et lui. Il s'appelle Thomas Sydenham et il propose une réinterprétation de l'hypocondrie, justement, et de l'hystérie comme deux pathologies fourbes et fictives. Il les appelle des maladies protées, des pathologies caméléons qui font le patient mimer involontairement des souffrances organiques et des désordres physiologiques qu'il ressent mais qui n'existent pas et qui se résorbent dès que sa crise est passée. Et le dénouement qui va intégrer le malade imaginaire au monde vénéré de la médecine, puisqu'à la fin, vous savez que Argan va être fait médecin, ce dénouement qui métamorphose son corps prétendument malade en corps de médecin, dessine bel et bien dans l'ordre poétique l'équivalent du cercle vicieux qui est décrit par cette nouvelle pathologie qu'invente Sydenham. Or, j'ai découvert, 50 ans après le malade imaginaire, une thèse soutenue à Montpellier et dont le sujet était de savoir si l'on peut guérir les maladies imaginaires telles que Molière les a décrites par le seul effet de la parole et des subterfuges verbaux, sans médication, sans intervention sur la physiologie. Ce qui veut dire que tout ça fonctionne par la tête. Argan dit « Je suis mort » quand Monsieur Purgon l'a menacé de maladies qui ne sont pas en lui, mais qui lui font peur par la seule imagination des choses. Et si bien que 50 ans... Non, je dis, c'est finalement le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la psychanalyse, mais non ? Exactement. Guérir les mots par la parole. Mais en quelque sorte, puisque 50 ans plus tard, Boissier de Sauvage, dans sa nosologie, va présenter parmi les catégories de mélancolie, et d'ailleurs la mélancolie désormais est réduite à des manifestations psychologiques, accompagnées simplement de quelques problèmes d'origine mentale dans les fibres du cerveau, il propose une variété qu'il baptise, c'est un vrai dictionnaire de médecine, qu'il baptise « Melancholia argentis » ou « maladie imaginaire », et il renvoie à la thèse de Montpellier, en même temps qu'au théâtre de Molière. Je trouve que c'est quand même un hommage à rendre aux médecins qu'ils aient eu assez d'humour pour considérer Molière comme un des leurs. Oui, on n'aurait pas cru, après ce qu'il fait faire à Monsieur Purgon. Eh bien, il y est parvenu. Et cela prouve une chose, c'est que à une certaine époque, tout le monde est en train de penser les mêmes choses dans des canaux différents, dans des voies différentes. Vous voyez, et malheureusement, après Boissier de Sauvage, 50 ans encore plus tard, Pinel dira que ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, et la maladie imaginaire ne vient pas de là. Et là, nous entrons dans la marche que vous évoquiez, Adèle, vers la psychanalyse et vers la névrose obsessionnelle, effectivement. Mais au-delà de la dimension comique de la scène que l'on vient d'entendre, et si on se déplace du côté, non plus cette fois-ci du malade, mais du médecin, je vous disais que la représentation des médecins chez Molière n'avait pas grand-chose à voir avec les médecins que nous connaissons aujourd'hui, je nuancerai ma propre affirmation, parce qu'on y entend aussi l'expression d'un désir de pouvoir très fort, et on entend, y compris dans les circonstances actuelles, d'épidémie, même de pandémie, des rapports de pouvoir qui se dessinent aussi. En ce moment, que ce soit entre le professeur Raoult et ses détracteurs, ou d'autres encore, il y a quand même, et c'est bien normal, des enjeux de pouvoir qui se dessinent dans la pratique de la médecine. Oui, et des enjeux de pouvoir qui relèveraient d'un regard un peu humoristique. Je pense, sans rien avoir contre ce personnage éminent, au physique et aux propos du professeur Raoult et à ce que Molière aurait pu en faire, vous voyez. Il y a quelque chose là d'infiniment savoureux, me semble-t-il, et qui entre dans le regard, l'optique que Molière portait sur les choses. Effectivement, il y a une volonté de pouvoir dans le savoir, et c'est tout à fait normal, parce que lorsqu'on sait ou que l'on croit savoir, on imagine que l'on possède les éléments pour entraîner les gens vers le bien, pour faire le bien. Et quelqu'un qui regarde les choses d'un peu loin, d'un point de vue de Sirius, peut y trouver des éléments de moquerie. Vous savez, la moquerie de Molière à l'égard des médecins, elle est un peu transposable à d'autres corps de métier. On y trouve une part de facétie. La scène où Toinette, par exemple, va se déguiser en médecin pour dégoûter Argan de la médecine. On y trouve de la satire de l'échec, la satire de la volonté de pouvoir. Tous ces médecins qui, au lieu d'être dans leurs hôpitaux, passent en ce moment à la télévision, je me demande toujours comment ils trouvent le temps. Passons. Et puis, il y a la charge sur cette illusion lucrative et sur le fait que les médecins sont, pour Molière, enfin, il le dit avec un certain excès, des fossoyeurs. Enfin, ce sont des gens qui tuent les malades. Et il y a là une grande injustice, mais qui revient à ce que nous disions au début, c'est-à-dire que, comme le médecin est toujours lié à la maladie, eh bien, il est aussi lié à la mort. Et il est une sorte de bouc émissaire pour la mort qui a triomphé de lui. Le malade qu'il n'a pas réussi à sauver, c'est un peu comme s'il l'avait tué. C'est injuste, mais dans l'ordre de l'imaginaire, c'est comme ça. Alors allons jusqu'au bout du rire, puisque vous nous disiez en début d'émission que le rire pensait, lui aussi, le rire de Molière qui nous aide à penser. Avec cette scène de Toinette déguisée en médecin, vous l'avez annoncé, nous sommes à l'acte 3, scène 10. Alors je précise quand même que nous allons très vite pour les besoins de l'émission. On n'a pas évoqué ce qui s'était passé autour du mariage d'Angélique, de Cléante, son prétendant. Il y a beaucoup de scènes extrêmement drôles, je dois dire, et d'autres très touchantes qui ont lieu dans ce texte, qu'évidemment je vous invite à lire, ça se lit très très vite et vraiment c'est inoubliable. Voici donc cette scène, écoutez Toinette déguisée en médecin qui va proposer, eh bien face à l'incompétence des autres médecins, elle va proposer à Argan tout simplement de lui couper le bras. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point inscrit sur mes tablettes entre les grands médecins. Ah. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Ben oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Ah ben justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre. Ah, comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Le poumon. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Du poumon. Non, il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Ah, et le soir de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorantus. Ignoranta, ignorant homme. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros de bon fromage. Du Hollande. Et du gruau, et du riz, et des marrons, et des oublis pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Vous m'obligerez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Voilà un bras que je me ferais couper tout à l'heure si j'étais que de vous. Oh, et pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et empêche ce côté-là de profiter? Ah oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez là aussi un œil droit. Je me ferais crever si j'étais en votre place. Crever un œil? Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre, lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Mais cela n'est pas pressé. Adieu. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais il faut que je me rende à une grande consultation qui se doit faire... Pour un homme qui mourut hier. Pour un homme qui mourut hier? Ah oui! Pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu'au revoir! Il nous reste quelques secondes, Patrick Dindré, pour commenter ce rire qui devient jaune en fait, parce que si on s'identifie à Argan et qu'on admet qu'il y a un peu d'Argan en nous tous, alors on se sent complètement vulnérable et capable d'être sous l'emprise de n'importe quelle personne qui se présenterait comme médecin tant nous voulons guérir. Oui, mais c'est Toinette qui le guérit. Car vous avez remarqué que pour la première fois depuis le début de la comédie, Argan n'est pas d'accord avec un médecin. Ça, c'est une réaction saine. Ça s'appelle mettre le délire en contradiction avec lui-même. C'était une recette bien connue des anciens médecins. Et en l'occurrence, finalement, de tous les Purgons et Diafoirus qui existent, c'est Toinette qui est le meilleur médecin, et c'est tout à fait normal, car la seule médecine qui soit vraiment valable, c'est la comédie, c'est-à-dire le rire. Quelle conclusion. Merci Patrick Dandrey. Merci à vous. Merci d'être venu nous parler du malade imaginaire ce matin. On mettra en ligne tous les ouvrages, et ils sont nombreux, que vous avez écrits sur Molière. Je rappelle celui qui a été très utile pour cette émission, Le cas Argan, Molière et la maladie imaginaire, aux éditions Klinksic. À bientôt. Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour, mais un soir comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous? Moi j'y répondis. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la manière dont le confinement redéfinissait les rapports entre les uns et les autres. Entre la redécouverte des pouvoirs du local et Skype, l'amitié semble totale. Contre toute attente, la distanciation sociale ne nous aurait donc pas séparés. Mieux, elle serait le ciment d'une nouvelle forme de sociabilité. Mais si sûr, car pour ma part, explorant plutôt les pouvoirs du réseau social et du virtuel, c'est moins la sociabilité que ses lacunes que je redécouvre. Le gardien de cet immeuble de 150 logements affiche dans le hall un tract diffusé par l'association des voisins solidaires. Objectif, sensibiliser à l'entraide envers tous ceux qui peuvent en avoir besoin. Entraide dans un immeuble, soins à petite échelle ou voisins solidaires, alors que les initiatives locales semblent se multiplier, je m'enfonce pour ma part un peu plus dans le virtuel et la longue distance. Comme à mon habitude, mais en pire, téléphone à portée de main, je regarde d'emblée Twitter et Instagram. Et à vrai dire, je ne pourrais même pas dire combien de temps j'y passe ou ce que j'y vois. Les images et les posts s'enchaînent dans un flux et un flou continu, à l'image de ces journées confinées. Certes, j'y ai des amis dont je prends des nouvelles ou des contacts dont je suis l'actualité, mais il faut bien le dire, ce qui retient surtout mon attention, c'est moins les gens que j'aime que ceux qui m'énervent. Rien de nouveau sous le Covid, les relations virtuelles sont peut-être bien réelles, mais pas forcément les plus belles. Je vous rassure, je n'en suis pas non plus au passage à l'acte haineux. Je ne suis pas un troll ou un hater. Non, j'en suis et j'en reste à un autre stade, un stade inférieur mais répandu, ce stade sournois mais solide, l'attraction à suivre, à scruter, à examiner les personnes qui nous agacent, qui nous exaspèrent, qui nous horripilent. Si certains ont cette tendance fâcheuse à se montrer, à se mettre en scène, à faire les intéressants, d'autant plus en confinement, d'autres ont celle, tout autant fâcheuse, de les regarder pour mieux les détester. Mais d'où vient donc cette attraction pour l'aversion ? T'es moche. T'es moche. Mais je t'aime. T'es triste, sinistre. Mais je t'aime. T'es sotte. Très sotte. Faut s'y faire. T'es cloche. T'es cloche. Mais sincère. Plus je te vois, plus je me dis, t'as rien, rien pour qu'on s'en relève la nuit. L'art en témoigne, comme l'amour, on peut élever au rang d'œuvre quelque chose de moche. Il peut y avoir de la beauté dans la laideur, on peut même être attiré par ce qui nous déplaît. Les exemples sont légion et il doit y avoir des explications psychologiques à ce paradoxe de l'attrait pour ce qui repousse. De la même manière, il doit bien y avoir une explication du même type pour ce plaisir à scruter les personnes qui nous insupportent. La curiosité malsaine, le masochisme ou une pulsion quelconque. C'est vrai que la recherche de l'agacement a quelque chose de l'excitation, comme si l'on désirait être titillé, énervé, littéralement. Et c'est vrai qu'il y a une forme de plaisir à être maintenu dans cet état fébrile, tendu. Mais est-ce là la seule explication ? Serait-ce seulement par un plaisir détourné que je cultiverais l'agacement, l'exaspération, voire la détestation ? Comme le potin où l'on aime à médire, ou comme les magazines People où l'on se délecte de la chute des stars, serait-ce seulement par plaisir pervers qu'on se tiendrait sur ce fil juste avant la haine ? Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet, et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait tel qu'il est, il me plaît. Eh bien, je ne crois pas, car ce serait presque trop simple. Du plaisir tiré de la douleur, ou l'inverse, quoi de plus banal ? Plus que le goût pour l'énervement, plus qu'une jouissance tirée de l'agacement, l'attraction pour l'aversion n'est pas qu'une question de plaisir et de peine. C'est aussi, je crois, une question de comparaison. De comparaison, mais pas de jalousie ou de complexe d'infériorité qu'on voudrait entretenir ou enrayer. Car celui qui aime à regarder les personnes qui se montrent et qui l'agacent ne se dit pas forcément « Pourquoi fait-elle ça et pas moi ?» Au contraire, celui-là se demande plutôt « Pourquoi ne fait-elle pas comme moi ? Pourquoi veut-elle s'imposer à moi, avec ses selfies, ses histoires et ses leçons sur le monde ? Cette attraction pour l'aversion, qu'on voit d'un mauvais œil, est en fait une fascination pour l'antipathie, un désir de comprendre ce qui ne marche pas entre deux personnes, cette distance, cet écart irréductible entre elles. Qu'est-ce qui fait que l'une ne puisse pas se mettre à la place de l'autre et inversement ? Voilà, je crois, pourquoi je passe mon temps à suivre, regarder, examiner des individus que je n'aime pas, et c'est une explication déculpabilisante, juste pour comprendre ce qui nous sépare. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinement ou pas, à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda avec Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette émission, à la prise de son aujourd'hui Swad Boukorsa. Merci au CDM, Centre de Distribution Démodulation de Radio France, qui a assuré cette liaison. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et fin de notre série sur les philosophes face à la maladie. Demain, Paul Preciado se demandera, à la suite de Michel Foucault, si l'épidémie ne serait pas aussi un vecteur de discipline. D'ici là, sachez que vous pouvez, comme toujours et peut-être plus que jamais, télécharger cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. À demain, 10h, on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.